من عجيبة حينما قال: السماء رعاح تشربه الأرواح بكؤوس الآذان على معاني الألحان، ولكل امرئ ما نوى. ما قصدنا مما شربنا وهذا وما نسمع له. انتهى القول في ذكر النجاح. إنها المعاني نفسها التي نبدوكم إلى ثمانها وتطرقها في ليلتنا هذه. En ce très beau jour du mois sacré de Ramadan, la Fondation Al-Hammam du Sénat Maïdine et de l'art authentique a le plaisir de vous accueillir pour cette soirée de Sénat aujourd'hui. Avant de vous présenter toute jeune fondation, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. Un grand merci à la municipalité de Casablanca en la personne de Madame Jabra, ainsi que la commune des Roches Noires. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué pour la réalisation de cet événement. Enfin, je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir avec moi tous les donateurs dont certains sont présents avec nous et qui ont participé à la campagne du mois de Ramadan 2017 au profit de 700 familles dans le besoin. Merci. Merci. Aider les gens en essayant de les soulager face à un quotidien dur par différentes actions, comme l'organisation des caravanes médicales, la prise en charge des jeunes orphelins et bien d'autres actions, est l'une de nos principales missions. Mais je vous rappelle que la vocation essentielle de la Fondation Al-Jamal, présidée par Moulay Mouad Qadri Bouchiche, est la préservation et la transmission de sa mère, cet art ancestral maghrébin en sa poche unique. Nous souhaitons une longue vie à la Fondation Al-Jamal. Avant de remettre le micro à Tamakou Moukassidi, je voudrais vous dire que les Kassaïd ne sont pas de simples poèmes, fruits de l'imagination et de la sensibilité du poète. Ces Kassaïd sont des témoignages, des saints et des saintes qui expriment le rang de Dieu Tout-Puissant et de son prophète Chaque mot est chargé de sens, car il émerge d'une conscience illuminée. Les mots glissent de la plume du Wali en cascade d'amour et de connaissance. C'est le cœur qui écrit, c'est le cœur qui reçoit la guidance. C'est ce qu'on le souffle, le grand souffle marocain qui écrit de l'invivant lorsqu'il dit: le Samar est un vin que dégustent les âmes. Il nous est servi par des coupes que sont nos oreilles. Ce sont ces mêmes mots que je vous invite à écouter et à savourer. De merveilleuses voix se prêtant à toutes ces poésies pour nous offrir un moment de paix et de communion en ce mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire le silence dans vos âmes et à vous mettre à l'écoute des sagesses éternelles. Mesdames et messieurs, je vous présente l'ensemble national du Sénat Hédier de la Tariqa Qadiriyya Bouchichia sous la direction de Sidi Mouad Qadiriyya Bouchich. Merci bien et bonne soirée. Oh. أصلي صلاة أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا مرتبه أصلي صلاة وأمسك له حجب الجلالة تطواه هذه الصلاة على الحبيب محمد Ah! صحبتم وأنتم في الفؤاد. لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير. ونحن على العهد نرعى الدماء وعهد المحبين لا ينقضي. وما شرف الأخوان إلا جمال وما وما سيدي بمن يرد الساعي خائبا. فإن جفا للناس فمحبوبي الله. فالحمد في القرار وفي اللطف. لك الحمد في القضاء وفي اللطف. كتبت لي المقدور من قبل نشأتي. لك في القضاء وفي اللطف كتبت لي المقدور من قبل نشأتي. عليم بحالي عليم علم اليقين. يا ربي ما Oh.